Ja. Kimi, le singe, non, non. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Non. Pour toi, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras.